Stephen King on the Radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon. Stephen King on the Radio. Tony? Episode 3. I'm scared. On est dans le Maine, dans l'état de la Nouvelle-Angleterre, à l'extrême nord-est des États-Unis. Marguerite Yourcenar a vécu ici de 1950 à sa mort dans une petite maison sur l'île des Monts Déserts. Mais aujourd'hui, il est question d'un écrivain américain qui habite dans cette même région. Il y est né 3 ans avant l'installation de Marguerite Yourcenar et il a sa maison principale à Bangor sur West Broadway. Il n'est pas français comme elle et encore moins académicien. Il est seulement connu pour ses livres terrifiants et son succès interplanétaire. Au début du 21e siècle, il totalise 200 millions de livres vendus, traduits en 40 langues. Et Bill Warren, un critique de cinéma, l'a même surnommé l'homme le plus célèbre de la Terre. Son nom est King, Stephen King. King, comme le roi de l'horreur. Hier, nous avons appris comment Stephen King a suivi les conseils de John Gould, le rédacteur d'un journal sportif, pour écrire de vraies histoires. Et quel petit boulot il a fait pour payer ses études à l'université du Maine. Et comment il a rencontré sa femme, Tabitha Jane Spruce, avec qui il vit toujours. Et comment le succès est arrivé avec la publication de son premier roman intitulé Carrie en 1973, l'année où sa mère est morte. Si nous savons tout cela, c'est parce qu'on est le dimanche 19 juin 1999 sur la route 5, Road 5, pas très loin de la ville de North Lovell, où Stephen King était en train de passer des vacances. Il a été renversé par le van Dodge de couleur bleue de Brian Smith, et comme les secours sont arrivés, il est maintenant sur une civière, et ça lui fait mal, et il crie. Et il entend aussi des appels de police sur une radio qui grésille. 2 ambulanciers mettent la civière à l'arrière d'un autre van Dodge, qui est blanc et orangé, avec des gyrophares qui flashent sous le soleil des premiers jours d'été. Et Stephen King entend encore quelqu'un qui dit « Faut qu'on fonce !» Et la voiture démarre. Un médecin, Paul Phil Brown, s'assied à côté de lui et le prévient qu'il va être obligé de lui couper l'alliance que sa femme lui a offerte en 1983, 12 ans après leur mariage. Il en a une autre à la main droite, qui est celle du jour de leur mariage, qui avait seulement coûté $15.95, parce qu'à l'époque, les King étaient très pauvres. Mais celle-ci a tenu le coup. L'ambulance roule à plus de 170 km/h sur des petites routes pleines de nids de poules, et Stephen King perd à nouveau connaissance. En un éclair, il a la sensation qu'il va mourir et une étrange vision lui apparaît. Sa vie se met à défiler comme si c'était un film. C'est un phénomène répandu. Les psychiatres l'appellent « near-death experience », ce qui se traduit en français par « expérience de mort imminente ». La mémoire du sujet repasse à l'envers, les souvenirs autobiographiques à une vitesse ultra rapide. C'est comme si la conscience tentait, une dernière fois, d'échapper au naufrage du corps. Une dernière fois ? Pas vraiment. Parce que Stephen King ne mourra pas aujourd'hui. La preuve, 4 ans plus tard, en 2003, il mettra en scène cet accident dans le 7e volume d'une épopée d'un millier de pages, La Tour Sombre. Il écrira à la 3e personne. Stephen King perçoit vaguement le bruit d'un véhicule à l'approche. Ou est-ce qu'il y en a 2? Un sur la route 7 et un sur celle de Warrington. Mais c'est tout. Laissant l'intersection derrière lui, il entreprend de gravir la colline abrupte avec sa visibilité très courte. Il marche en direction du bruit du camion Dodge Caravan, qui est aussi le bruit que fait sa mort imminente. Mais, comme nous sommes le 19 juin 1999, des images et des sons, surtout des sons, se succèdent dans la tête de l'écrivain. Un premier souvenir surgit, puis un second et un troisième, ainsi de suite. À ce moment-là, il revoit son bureau. C'est un endroit bien éclairé par de grandes verrières, avec comme table de travail une grande dalle en chêne massif. Fini le pupitre d'enfant dans la lingerie de la caravane à Hernon, ou les petites tables étroites et encombrées dans les maisons de location. Maintenant, Stephen King est un vrai écrivain comme Marguerite Yourcenar, sinon qu'il ne pourra jamais entrer à l'Académie française parce qu'il n'est pas français. Bien sûr, il aura beaucoup de récompenses littéraires et dira même un jour qu'il aimerait avoir le prix Nobel et que quelqu'un dise de lui « Hey, attendez une minute, on s'est tous trompés. Ce type est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. » Même si ça n'arrivera jamais parce qu'il sait que, lorsqu'on est un écrivain de best-seller, les gens qui aiment la littérature ne pensent pas à vous et supposent que vous êtes un auteur grand public qui n'a rien à dire d'intéressant. Mais Stephen King n'est pas non plus, comme l'était Marguerite Yourcenar, un exilé dans un autre pays. Il est issu de la middle class et il n'a jamais quitté la région où il est né pour aller vivre, par exemple, à New York ou à Los Angeles, où sont tous les écrivains de sa génération. Le bureau de Stephen King est dans une grande maison qu'il vient de s'acheter. Il y habite avec toute sa famille. Il a 3 enfants avec sa femme Tabitha. Naomi Rachel, qui est née en 1971, Joe Hill, qui est né 1 an plus tard, et Owen, qui est né en 1977. Voilà, on est à Bangor, sur West Broadway. C'est sa résidence principale depuis 1980. C'est une demeure victorienne qu'il a pu acquérir après le succès de son roman Shining, qui est son premier best-seller, publié 3 ans plus tôt. À l'intérieur, il y a des tourelles et des passages secrets, et c'est le comble pour un écrivain qui fait des romans d'épouvante. À l'extérieur, il y a une grande pelouse où il peut apercevoir des cerfs à l'automne. Il dit que c'est un endroit agréable, pas très loin d'un lac du Maine, dont les eaux ne sont pas encore trop polluées. Tout cela est important parce que, même si un écrivain écrit avec son paysage intime, l'environnement, surtout quand il est confortable, permet de mieux vivre la violence de la création littéraire. D'ailleurs, le bureau témoigne de la souffrance qui l'accablait quand il croyait qu'il y avait un rapport entre le fait d'écrire et le fait de boire et de prendre des drogues. Oui. En 1980, Stephen King, qui a 33 ans, croit qu'un vrai écrivain est un homme hypersensible qui a besoin d'être protégé et que la meilleure des protections est de se couper de la vie pour être submergé par la fiction. Alors, quoi de plus protecteur que 3 litres de bière par jour et quelques grammes de cocaïne ? Il revoit les canettes vides qui jonchent la pièce et les cendriers remplis de cendres froides et le Valium, et le Xanax, et le Nikil, et les bouteilles pour bain de bouche. Il s'entend aussi parler, avec, en fond, le souvenir du crépitement de la machine à écrire. C'est bien sa voix. Mais sa conscience semble altérée, comme lointaine. La voix dit que les alcooliques élèvent des défenses comme les Hollandais construisent des digues, et qu'il a passé les 12 premières années de sa vie d'homme marié à se raconter qu'il aimait simplement boire et qu'il utilisait une méthode qui n'appartenait qu'à lui et qu'il a nommée Hemingway Defense, ce qui signifie le système de défense Hemingway. La voix que Stephen King entend continue d'expliquer que ce système de défense se décrit ainsi. En tant qu'écrivain, un homme est déchiré entre sa sensibilité et sa virilité qui l'empêche de se laisser aller à ses émotions. Alors, pour avoir le contrôle de la situation, le recours à l'alcool est nécessaire. Pendant toutes ces années, il boit de tout et les soirées se terminent toutes par le même rituel. Pour ne pas se relever la nuit pour boire, il vide ses dernières bières dans l'évier. En 1985, une autre dépendance s'ajoute à l'alcool, c'est la drogue. Il fait cela en cachette de sa femme, autant par terreur que par peur du manque, et il a l'impression d'être dans une spirale descendante jusqu'à ce que Tabitha se rende compte que son mari est devenu une épave. Alors, elle lui propose de se faire soigner dans un centre spécialisé ou de quitter la maison et ajoute qu'elle ne veut pas que les enfants assistent au suicide de leur père. Il comprend aussitôt qu'un bureau comme celui-ci n'est pas une station de montagne comme l'hôtel Overlook de Shining, avec un paysage de rêve dehors, façades étincelantes au soleil au milieu des parois et des falaises et des vallées, et un paysage de cauchemar dedans. Sous-sol mystérieux, immense cuisine, chaudière et une chambre très particulière, numéro 217, avec, entre les deux, un écrivain raté qui va mourir. En effet, ce roman raconte l'histoire de Jack Torrance, qui est justement un écrivain alcoolique. Quand ça commence, il est enseignant et il est limogé pour avoir agressé un de ses étudiants. Alors, il décide de prendre la responsabilité d'un hôtel isolé dans les montagnes du Colorado. Il pense pouvoir se consacrer pleinement à l'écriture d'une pièce de théâtre qu'il n'a jamais pu terminer et restaurer l'unité familiale qui est justement mise en danger à cause de son alcoolisme et de ses accès de violence envers son fils Danny. Au lieu de cela, Jack Torrance va au contraire s'éloigner des siens et succomber aux puissances occultes de l'hôtel en même temps qu'à ses propres démons. Ceci dit, tout au long de ces années, il ne faut pas croire que Stephen King est resté cloîtré dans son bureau. Pendant cette période, il a fait don à l'université du Maine des manuscrits de ses premiers romans, Carrie, Salem et de certaines nouvelles jamais éditées, et il a écrit Dead Zone, pour lequel il reçoit deux prix, le World Fantasy Award et le Special World Fantasy Award, pour sa contribution au genre de l'épouvante. C'est le début d'une succession de prix et de récompenses qui ne cesseront de jalonner sa carrière d'écrivain. Mais son succès est tel que beaucoup de fans sont violents avec lui, ce qui lui inspire le roman Misery, dont il achève la version définitive dans sa maison de campagne. I'm your number one fan. Heureusement, il y a aussi des fans très sympathiques comme ceux qui lui envoient 500 lettres ou colis par semaine, dont 80% demandent une réponse. Alors, quand il n'a pas le temps de leur envoyer individuellement un mot tapé à la machine sur une carte postale, il leur répond de deux façons. Ou par une lettre type pour les remercier et leur expliquer qu'il ne peut pas faire autrement à cause du volume du courrier, ou dans les avant-propos et les postfaces de ses livres en prenant un ton direct avec le lecteur. Et il y a aussi les touristes de Bangor. Ils sont là toute l'année, surtout l'été ou à Halloween. Ils viennent de partout dans le monde et ils s'arrêtent devant la grille en fer forgé de la porte et se font prendre en photo. Espèrent-ils aussi apercevoir Stephen King et sa famille, ou échanger une parole avec lui, ou faire dédicacer un livre, ou juste voir cette maison qui est maintenant familière grâce aux photos des jaquettes? Tout ça à la fois. Alors, devant un tel phénomène, il décide de publier un bulletin officiel qui lui est consacré. Il l'intitule « Castle Rock, the Stephen King Newsletter ». Mais tout cela est quand même compliqué et il se demande s'il ne devrait pas faire une pause. Il est en train de se demander s'il ne publie pas trop et s'il ne risque pas de décevoir ses fans et ses lecteurs parce qu'après un certain temps d'exposition, on sent qu'on fait partie du paysage culturel populaire et que parfois, il vaut mieux s'arrêter avant d'ennuyer les gens. Il dit « Je crois qu'il faut que je fasse une pause pour que mon travail ne devienne pas trop formaté. » Peut-être aussi qu'il souffre de la routine. En effet, il écrit tous les jours, sauf le 4 juillet qui est la fête nationale aux USA, et le 21 septembre qui est la date de son anniversaire. Et son succès est tel qu'il vit retranché dans sa maison de Bangor. Même s'il voyage beaucoup pour recevoir des récompenses et faire des lectures dans les librairies et répondre à des interviews pour les magazines et les chaînes de télé, il a sans doute besoin d'air. La solution qu'il trouve est de réaliser son propre film. Il l'intitule « Maximum Overdrive ». On le voit maintenant en Caroline du Sud. Il est là pour le tournage. Il rencontre David Lynch qui travaille sur Blue Velvet. Ils partagent les mêmes plateaux et les mêmes figurants. Maximum Overdrive est tourné à Wilmington, où le producteur De Laurentiis a récemment fait construire des studios de cinéma. Le budget est raisonnable, 10 millions de dollars. Tout est investi dans la construction du Dixie Boy, qui est la station routière où se déroule l'essentiel de l'action. La distribution donne la vedette à Emilio Estevez, fils de Martin Sheen et frère de Charlie Sheen. La carrière de l'acteur est prometteuse, elle oscille entre comédie adolescente et fantastique. Voici l'histoire. La Terre traverse la queue d'une énorme comète et, apparemment sous cette influence céleste, les machines commencent étrangement à se détraquer. This machine just called me an asshole. Un pont mécanique s'ouvre accidentellement alors que de nombreux véhicules sont engagés sur sa voie. Un distributeur de boissons lance des canettes en direction d'un entraîneur de baseball. Un passant se fait injurier par un distributeur de billets. Des phénomènes comparables font leur apparition dans le truck stop Dixie Boy. Jesus Christ. Un couteau électrique agresse une cuisinière. Des machines à sous se détraquent. Surtout, les camions garés sur le parking s'animent d'une vie propre et se mettent à agresser les humains. Rapidement, les occupants de cette station se retrouvent assiégés par une dizaine de poids lourds sans conducteur. Si certains de ces romans ont fait l'objet de films comme Carrie de Brian De Palma ou Dead Zone de David Cronenberg ou Shining de Stanley Kubrick et ont tous été des succès, c'est quand même difficile pour lui de se mettre pour la première fois à la réalisation. Il a lui-même écrit le scénario qu'il a adapté d'une de ses nouvelles poids lourds. Stephen King a très tôt clamé son admiration pour Evil Dead de Sam Raimi, et il n'est pas étonnant de le voir aborder les nombreuses scènes gore sous un angle délirant. Malheureusement, le travail d'étirement de la nouvelle se ressent à de nombreux endroits. Les séquences de sièges sont longues et fastidieuses, les vagues interactions entre les personnages, telles la romance entre Emilio Estevez et l'autostoppeuse, ne fonctionnent pas bien, et, plus grave encore, Maximum Overdrive se révèle par moments répétitif dans ses péripéties, et l'attention du spectateur risque de se relâcher. Pourtant, le film ne doit pas être rejeté en bloc. Stephen King s'amuse en démolissant tout ce qui lui tombe sous la main. Camions, voitures, humains, maisons, tout est bon pour être concassé, écrabouillé, aplati dans un déluge de cascades et d'effets spéciaux assez jubilatoires, rythmé adéquatement par les chansons du groupe australien AC/DC. À sa sortie, Maximum Overdrive reçoit un mauvais accueil. De la part de celui qu'on considérait alors comme un maître de l'horreur, le public attend un chef-d'œuvre. Il ne livre qu'une amusante série B, un joujou dans lequel il se défoule comme un gosse lâché dans une cour de récréation. Lui-même ne sera pas tendre, considérant Maximum Overdrive comme un ratage et avouant que mettre un film en scène est un travail dont il ne connaissait pas les plus élémentaires rudiments au début du tournage. Quant au public, il boude définitivement Maximum Overdrive, que ce soit dans les salles américaines ou françaises. Mais Stephen King ne reste pas sur un échec et ses fans continuent de l'aimer. Alors, après cette expérience, comme il a toujours besoin de casser sa routine d'écrivain, il accepte de jouer dans un groupe de rock. En effet, alors qu'il travaillait sur son film avec AC/DC, il s'est rendu compte que le rock était plus proche du roman d'épouvante que le cinéma, parce que c'est une musique qui repousse les limites sonores et qui multiplie les outrances verbales et vestimentaires comme l'épouvante cherche à choquer et nous fait palper les facettes les plus sombres du monde dans lequel nous vivons, qui sont les limites de la peur et de la violence, et que l'un et l'autre, le rock et le roman d'épouvante, jouent sur l'exploration des extrêmes et la remise en cause d'un certain conservatisme culturel. AC/DC n'ont-ils pas chanté « Highway to Hell » et les Rolling Stones « Sympathy for the Devil » Ouais. Alors, on est le 25 mai 1992 à Anaheim au Cowboy Boogie. C'est le premier concert du groupe. Les musiciens sont tous écrivains et ils jouent à la convention des meilleurs vendeurs de livres en Californie. Sur la scène, on voit Stephen King au chant et à la guitare. Dave Berry et Robert Fulghum à la guitare aussi, et Ridley Pearson à la basse et Michael Doris à la batterie et Al Cooper au piano. Et il y a aussi au chœur quatre hommes dont Grell Marcus et deux femmes dont Katie Goldmark, qui a eu l'idée de ce groupe de rock qui s'appelle désormais les Rock Bottom Remainders, ce qui veut dire les invendus des bacs de solde. Ce concert est une révélation parce que tout le monde est surpris d'avoir joué aussi bien et que Stephen King pense qu'ils ont tous un potentiel inexploité. Il propose alors à Katie Goldmark d'organiser une tournée à travers les États-Unis, ce qui se fait en mai 1993 dans une dizaine de villes. En 1998, Katie Goldmark propose même au groupe d'enregistrer un disque d'une trentaine de titres avec des musiciens professionnels. Pour l'occasion, les Rock Bottom Remainders sont rebaptisés les Rockers. Parmi eux, il y a un nouveau venu, Norman Mailer. Sur ce disque, Stephen King interprète trois titres, Bo Diddley, You Can't Judge a Book by the Cover et Stand By Me qu'il jouait déjà sur scène. Mais comme on le soupçonne d'une opération publicitaire parce que les gens qui viennent voir le groupe en profitent pour se faire dédicacer des livres, il doit s'expliquer. Il dit alors que les Remainders n'ont rien à voir avec la célébrité ou l'exhibitionnisme et que ce groupe de rock est pour lui un retour en arrière à l'âge de l'adolescence et qu'il a l'impression de recommencer sa vie à zéro à chaque fois qu'il monte sur scène parce que la guitare électrique est un instrument qui contraint de faire les choses à la dure pour que cela fonctionne, ce qui est vrai et sincère. Sinon, comment expliquer qu'il écoute du rock en boucle quand il écrit? Et comment expliquer aussi que dans son roman Christine, qui raconte l'histoire d'une Plymouth de 1958 équipée d'un autoradio, tous les chapitres ont en exergue les paroles de chansons d'Eddie Cochran, de Coasters, Charlie Ryan, The Beach Boys, John and Dean, The Steve Miller Band, Moon Martin, Lennon and McCartney, Bruce Springsteen, Steely Dan, Chuck Berry, etc. Et comment expliquer aussi qu'il a écrit une nouvelle intitulée Un groupe d'enfer qui raconte l'histoire d'un couple qui s'égare en voiture et découvre une ville entièrement hantée par des héros disparus du rock'n'roll dont le maire est Elvis Presley, conjuguant sa musique préférée et la littérature d'épouvante? Le nom de ce patelin, Rock'n'Roll Heaven, pouvait bien être le paradis du rock'n'roll, écrit Stephen King, mais c'était dans l'enfer du rock que Clark et elle s'étaient accidentellement retrouvés. Non pas pour avoir été de méchants gens, non pas parce que les anciens dieux les punissaient de leur faute, c'était arrivé parce qu'ils s'étaient perdus dans les bois, un point c'est tout, et que se perdre dans les bois peut arriver à n'importe qui. Fin du troisième épisode. You've been listening to Stephen King on the radio. Demain, vous apprendrez pourquoi Stephen King a fait 10 000 km à moto et pourquoi il a décidé d'écrire directement un scénario pour la télévision, La Tempête du siècle, qui n'est pas un roman, mais qui raconte une vraie histoire digne d'un roman et comment son expérience de réalisateur avec Maximum Overdrive va lui permettre de travailler efficacement avec la chaîne ABS. C'était Stephen King on the Radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon. Prise de son, montage, mixage, Manuel Couturier et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Cécile Lafon. Réalisation, Laure Egorov. all over you.